la divulgation du dossier Drosten déclenche un tsunami de diffusion. Notre émission, le dossier tenu secret Christian Drosten, trouve un écho gigantesque. La vidéo a été visionnée plus de 900 000 fois en moins de 72 heures. Ce documentaire sur Christian Drosten révèle à quel point cette personne, clé centrale de la crise actuelle du coronavirus, n'est pas digne de confiance. Mais comment est-ce possible que cette vidéo se soit propagée plus vite que même le virus le plus dangereux est capable de le faire? De plus en plus de personnes sont contaminées par un tout nouveau virus. Celui-ci est sain et rend lucide. Il s'agit du virus du dévoilement et de la diffusion. Le nombre d'infections de ce virus dépasse de façon exponentielle le nombre d'infections présumées du coronavirus. Apparemment, le peuple en a assez de la pensée unique et des répétitions martelées des médias du mainstream. Depuis des mois maintenant, un fil rouge épais se dégage de l'ensemble de la crise du coronavirus. L'étouffement et le discrédit de toutes les voix dissidentes par les médias de masse. Depuis des mois, il n'y a pas eu de reportage de facto critiquant le gouvernement dans tous les médias imprimés, les chaînes de télévision et les stations de radio. Cela suggère que ces médias de masse ont dû être mis en conformité. Cela étouffe dans l'œuf tout dialogue public sérieux. Comme ils gardent toujours le dossier Drosten secret, la population a maintenant pris les choses en main en le diffusant activement. L'aspect décisif de cette diffusion est expliqué comme suit par Ivo Sasek, le fondateur de Kla TV, dans son émission « Les méthodes Stasi 2.0 ». Je conclue maintenant en transmettant quelques solutions indispensables à tous ceux qui se soucient réellement d'atteindre et de réveiller la majorité encore ignorante. Ce que je propose en ce qui concerne Kla TV peut bien sûr être appliqué à tous les autres lanceurs d'alerte. La première solution est la plus importante pour moi. Veuillez concentrer votre action de dévoilement sur toutes les personnes qui ne sont pas encore informées ou pas encore éclairées. Ne continuez pas à perdre votre temps parmi ceux qui vous ressemblent. Avant de discuter de quelque chose pour le simple plaisir, diffusez de toutes les manières et par tous les moyens encore disponibles aussi nos émissions les plus importantes, et cela à ceux qui sont encore ignorants. C'est le mot-clé principal. Toutes les icônes sous la vidéo peuvent vous aider à la diffusion de ces vidéos. Par exemple, au moment où je préparais cette émission, j'ai entendu aux actualités grand public que Twitter allait désormais prendre des mesures plus fermes contre les lanceurs d'alerte. Vous voyez, le compte à rebours a commencé, et je vais vous dire ceci. Appuyez autant que possible sur l'accélérateur, tant que vous le pouvez encore. Nos icônes de diffusion vous y aideront. Chers téléspectateurs, il s'agit d'une diffusion d'autodéfense du dossier tenu secret Christian Drosten. Par conséquent, diffusez-la dans votre environnement, par exemple à vos collègues de travail, à vos amis sportifs, à vos amis d'école, à vos voisins et aussi à vos proches. Informez également votre maire, vos conseillers municipaux et vos députés. Laissez-vous infecter par ce nouveau virus du dévoilement et de la propagation. Vous pouvez ainsi contribuer activement à ce que toutes les questions non résolues autour de la crise de Corona fassent l'objet d'un débat public et surtout ouvert et non censuré. Pour vous aider, nous allons afficher le lien de diffusion du fichier tenu secret Christian Drosten et vous fournir également une courte bande-annonce d'une minute.